Donc, on est présentement avec Siavash Rockney, qui est déjà passé à l'émission il y a quelque temps pour nous parler d'ambiguïté comme doctrine politique en Iran. Siavash Rockney, qui est doctorant à l'UQAM, spécialiste aussi de culture populaire en Iran. Oui, doctorant en communication. Oui. Bonjour. Bonjour. Et aussi chroniqueur à Les meilleurs parties se passent dans la cuisine. Oui, sur la musique rap tout ce qui se passe avec la musique rap en Iran. Ouais. Et aussi, tu avais une émission à l'hiver dernier, je pense, Les voix de l'Iran. Oui, sur la musique populaire en Iran. Donc, ouais. C'est vraiment lié à la musique, surtout. Ben, c'est ça, ouais. T'es aussi musicien. Oui, je suis musicien. Je joue la flûte et le saxophone et d'autres instruments aussi, mais majoritairement ces deux-là. Ouais. La raison pour laquelle je t'ai invité à l'émission aujourd'hui, c'est que j'ai vu que tu étais en entrevue à Global. Mm-hmm. Pour parler de ce qui se passe en Iran présentement. Oui. En partie, je ne sais pas exactement comment le décrire. Je dirais « émeute » pour être comme relativement neutre, mais il y a des gens qui parlent de révolution aussi. Mais c'est ça l'affaire qui est intéressante, c'est que c'est un mouvement révolutionnaire. Et on voit ça dans les types de slogans qui sont utilisés, les types de stratégies de résistance qui sont utilisées et l'énergie dans ce mouvement-là. L'énergie dans ce mouvement-là est vraiment différente. Pourquoi je dis ce mouvement? Parce qu'on avait d'autres mouvements, protestations avant aussi, commençant par 1999. Moi, je parle après la révolution iranienne. Après la révolution iranienne, le premier mouvement contestataire était 1999, quand le gouvernement a fermé un journal quotidien. Les étudiants sont allés dans la rue, puis ils ont été arrêtés, etc. etc. Ensuite, on avait 2009. 2009, c'est un mouvement vert en Iran. C'était le mouvement qui a été déclenché après l'élection de Mahmoud Ahmadinejad. Parce que y avait des accusations, puis il y avait des preuves que le gouvernement iranien a triché dans l'élection pour élire Mahmoud Ahmadinejad à la place de un des deux réformistes qui était candidat. Donc des élections pas libres, pas démocratiques. Oui, ouais, c'est ça, des élections pas libres, pas démocratiques. Puis ensuite, on avait surtout des petites manifestations et des grèves. Comme par exemple, on avait des grèves dans le mouvement travailleur, les grèves de travailleurs de pétrochimie, les grèves de travailleurs de cannes de sucre, d'usines de cannes de sucre. Et ensuite, on avait une autre grosse manifestation qui est arrivée après l'augmentation de prix de pétrole. Parce que le pétrole est subsidé par le gouvernement, puis ils ont décidé d'enlever la majorité de subsides qu'ils mettaient sur le pétrole. Donc, il y avait une manifestation, une grosse manifestation dans plusieurs des villes dans l'Iran. Mais cette fois-ci, ce qui arrive est que, d'ailleurs, la manifestation, par exemple, en 2009, était dans les grandes villes seulement. Puis c'était des classes moyennes qui manifestaient surtout. On n'avait pas de classes ouvrières ou des gens dans la région qui manifestaient. Ouais, c'est ça. Juste pour faire une petite parenthèse, d'après ce que j'ai compris, t'es souvent le régime en place depuis la révolution d'à peu près 79, c'est ça? 79, exactement. Ouais, ça a été supporté surtout par les gens comme justement de l'extérieur des grandes villes, si je me trompe pas. Oui, oui. Ça vient avec comme les messages puis l'idéologie de ce que la révolution islamique voulait comme présenter ou voulait faire pour le peuple iranien. Mm-hmm. On peut aller plus loin dans cette idée-là. Mais revenant sur le sujet des manifestations, cette fois-ci, on a des manifestations partout en Iran. Ce n'est pas juste des petites villes ou des grandes villes. C'est ça, c'est pas juste comme l'urbanité, c'est partout. Puis, toutes les autres manifestations, le message était en vous certaines choses. Par exemple, en 2009, on aimerait notre vote. Où est ma vote? Ça, c'était le slogan de 2009. Ensuite, par exemple, avec l'augmentation de prix de pétrole, la manifestation, les slogans étaient sur comme pourquoi vous avez augmenté le pétrole, le coût de la vie a augmenté. À cause de ça, la manifestation était économique. Mais là, cette fois-ci, la manifestation était pour la liberté. La liberté de toutes sortes, la liberté d'expression, surtout pour les femmes. Et c'est le premier mouvement comme dans l'histoire de après la Révolution, et même on peut dire avant la Révolution, qui est l'idée par les femmes. Fait que les leaders sont les femmes. Et le slogan de ce mouvement est « Femme, vie, liberté », ce qui est un slogan complètement différent des autres slogans et des autres messages que les Iraniens voulaient. Et donc, cette fois-ci, le message est pour le changement, c'est pour pouvoir vivre dans une démocratie. C'est pour affecter un changement culturel profond. Profond, absolument. Parce qu'il faut quand même le mentionner, donner un peu de contexte à ce qui se passe présentement. C'est un événement regrettable qui s'est passé. C'est une horreur sans nom, là. Oui. Est-ce que tu peux donner un peu de... Ben, ça a commencé avec... Il y a une... Je vais commencer par la garde révolutionnaire, parce que ça donne un contexte de qui sont ces polices morales. Okay? Parce qu'on parle de police morale, mais d'où vient cette police morale-là? Après la révolution, le chef suprême de l'époque, Khomeini, lui, il a désigné un militaire parallèle des militaires de l'Iran national. C'est ça, t'as les militaires gouvernementaux, puis t'as un groupe paramilitaire. Oui, exactement, un groupe paramilitaire. Ce groupe paramilitaire-là, ça s'appelait la garde révolutionnaire islamique. Il n'y a aucun mot de l'Iran dans la garde révolutionnaire islamique. Le but de la garde révolutionnaire islamique est de protéger l'islam et la révolution islamique. Le problème, c'est que la révolution était une révolution qui était à la base organisée par des différents groupes, gauche, droite, etc., etc., etc. Mais ça a été quand même volé par des groupes islamiques. Et donc, c'est eux qui sont devenus au pouvoir. Mais à partir de ça, il y a un paramilitaire qui existe, qui est la garde révolutionnaire, qui, pour son mandat, sa job est de protéger la révolution islamique, puis le bout de la révolution islamique, le goal de la révolution islamique. C'est ça. Pour faire un peu comme une distinction, j'imagine que t'es comme un groupe, t'es militaire gouvernemental, c'est fait pour protéger le pays, les frontières, faire comme des incursions militaires, peu importe, ailleurs. Mais le groupe paramilitaire, eux autres sont pour défendre le gouvernement de la population? Non. Non? OK. Leur but, c'est de protéger la révolution, OK? Et ils peuvent faire ça à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais les choses avec garde révolutionnaire est qu'ils sont non seulement un groupe militaire, mais aussi ils ont des pouvoirs économiques dans l'Iran parce qu'ils achètent, par exemple, des pourcentages de différentes industries, par exemple, télécommunications, industrie de pétrole. Ils ont leurs mains dans toutes les différentes industries. Donc, cette groupe, une branche de ce groupe, c'est du Basij. Basij, c'est des volontaires. c'est des gens qui ça s'appelle comme service volontaire, c'est service passage. Et ces gens-là, une partie de ces gens-là, parce que le passage fait des choses économiques aussi. Fait, par exemple, ils ont des institutions qui supportent comme les pauvres, comme, etc., etc. Ils lèvent des fonds pour supporter et pour créer des écoles, etc., etc. Mais dans ces bassiges-là aussi font partie d'un corps militaire qui s'appelle la police morale. Et la job de police morale est de surveiller et contrôler les actions, les comportements quotidiens des Iraniens pour assurer que ça respecte la loi de charia. Et la mode de vie qui a été envisagée en 1979, en 1980, avec la révolution, avec comme cette idéologie islamique. Ouais, on avait parlé quand tu es passé à l'émission l'été passé. C'est quand même ambigu qu'est-ce qui tente d'imposer. Oui. C'est ambigu. Il y a certaines lignes rouges qu'on ne peut pas comme, dépasser. Par exemple, hijab est devenu une ligne rouge. OK? Puis hijab est devenu une ligne rouge quelques ans après la révolution. Tu vois, comme ça, c'est une autre histoire. Mais il y a des liens rouges qu'on ne peut pas comme, dépasser. Hijab, c'est un lien rouge. Mais hijab était aussi un symbole un symbole qui représentait ce régime islamique et les promesses qu'ils ont données aux Iraniens. Les promesses d'avoir une vie une meilleure économie pour que les gens qui sont plus pauvres puissent mieux vivre et tout ça. Et tout ça, ça vient avec l'idéologie islamique. L'idéologie islamique qui a été développée avant la révolution, qui mélange un peu Heidegger, Fanon, Francis Fanon, Martin Heidegger, avec les idées de charia. Et donc, l'idée est marxisme aussi. Fait que l'idée était que de Fanon, l'islam a été politicisé en disant qu'il y a le bourgeois, la classe bourgeoise, le capitaliste, et puis leur mode de vie est un mode de vie qui est basé sur la consommation, etc., etc., etc., et qui domine la société iranienne culturellement, et à travers cette domination culturelle, la société iranienne s'épauvrit. OK, donc ça, c'était un côté qui était le côté de Fanon. Le côté de marxisme était le fait que toutes les terminologies utilisées par Marx, par exemple le peuple, le bourgeois, le prolétaire, sont été traduites aux terminologies islamiques. Fait que le peuple devient Oma. Oma comme le peuple, comme les gens qui suivent Mohammed. Tu vois, comme les prolétaires, les bourgeois sont devenus les zalem. Le zalem, ça veut dire quelqu'un qui fait mal aux gens et qui est au pouvoir. Fait que ça, c'est comme appropriation de marxisme de ce côté-là. Et appropriation de Heidegger vient avec l'idée de retour vers l'authentique. OK? Et c'est de là, OK, c'est de là qu'on voit cette idée que l'Ouest est en train de détruire notre rapport à notre passé. Nous sommes un peuple qui est dominé par l'Ouest, et donc nous devrions révolter contre l'Ouest et nous devrions faire ça pour créer une société juste où les classes prolétaires vont gagner contre les classes bourgeoises. Cette narrative-là, ça vient de là. Puis, quelle est la solution de ça? C'est le retour vers le charia. Parce que c'est le charia qui nous donne les guides, les valeurs pour faire tout ça. Ça me fait penser au syncrétisme tel que défini par Umberto Eco. Oui. Sais-tu de quoi je parle? Il y a comme une série de règles pour comme l'avènement du fascisme. Là-dedans, il y a le syncrétisme qui est comme un genre de retour nostalgique vers le passé en mélangeant comme un paquet d'idéologies, incluant justement comme les anciennes valeurs, le retour à ce qu'on était avant. Exactement. Puis nostalgie, nostalgie a beaucoup de pouvoir. Oui. Nostalgie a beaucoup de pouvoir parce que nostalgie ramasse les gens ensemble en disant qu'on a une vision pour aller vers le passé qui était meilleur avant. Pourquoi Trump dit, par exemple, « Make America great again » comme... Ouais, c'est again, ça. Dans quel contexte? Dans les années comme quand vous étiez en guerre contre Vietnam, quand vous étiez en guerre. Comme, c'est quoi cette again? C'est quand, des années 90, quand tout était néon. C'est ça, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que les forces militaires qui s'assurent que les valeurs islamiques. Pour avoir le sujet qui est retourné vers l'authentique, ce sujet-là va être formé, puis ce sujet-là va devenir cet authentique-là. La police qui a contrôlé ça, qui a dans la rue, dans les rues à chaque jour, dans les universités, etc., etc., c'était la police morale. Et donc, on commence... Si on parle de la police morale, oui, il y a la police morale, mais il y a le contexte de police morale. Le contexte de police morale, c'est l'idéologie islamique qui est comme renforcée par une force militaire beaucoup plus grande que juste la police morale, qui contrôle non seulement militairement, mais aussi économiquement la société. Qui ont aussi le contrôle, les opérations à l'extérieur, à l'international. Par exemple, Soleimani, le général, il a été tué en Irak. Lui, il faisait partie de branches de forces qui faisaient des opérations à l'extérieur de l'Iran. Donc, ils sont non seulement une force militaire à l'intérieur, mais ils ont des branches à l'extérieur aussi. Fait que voilà. Fait que cette police morale a arrêté une fille de Kurdistan. Elle est venue à Téhéran pour visiter sa famille, puis elle a été tuée. Puis ça commence, ça déclenche des manifestations, d'ailleurs, devant l'hôpital, mais ensuite à la ville natale de Mahsa Amini, qui était Sanandaj. Puis dans sa ville natale, les gens chantent Jinjian Azadi, ce qui veut dire femme, vie, liberté. Puis ça devient le slogan du mouvement qui est ensuite traduit en perse, Zan Zendegi Azadi. Et ça déclenche ça. Mais dès que ça déclenche, il y a un espoir, il y a quelque chose qui est arrivé avec ce mouvement-là. Ça propageait partout dans le pays. Puis les messages, les slogans maintenant sont, par exemple, on ne veut plus la République islamique, on ne veut plus ce régime-là, on veut la liberté. La liberté, c'est comme central dans cette manifestation-là. Il y a quelque chose, une couple d'affaires que tu mentionnes que je pense qui sont importantes de juste annoter. T'sais, premièrement, cette fille-là est kurde. Mm-hmm. Fait qu'elle vient d'une région éloignée de l'urbanité, comme de Téhéran, oui. qu'on connaît. Ils n'ont pas le même langage? Non. Ils n'ont pas le même langage, non. Et aussi, c'est, eux autres vivent sur le même régime qui est assez autoritaire. Mm-hmm. Ça qu'on s'entend, de tout ce que tu as expliqué tantôt, c'est un régime qui contrôle beaucoup la population. Fait que le sentiment de liberté n'est pas là. Oui, puis c'est une femme, mais aussi c'est une femme marginalisée parce que les Kurdes sont sunnites, sont dans la minorité iranienne. Et il y a beaucoup de friction entre les gouvernements iraniens puis les Kurdes. Donc, même avec ça, donc j'ai lu quelque chose récemment qui était super intéressant. Une des citations était qu'on parle d'intersectionnalité comme une théorie. La Mahsa Amini, c'est l'intersectionnalité dans la pratique. Comprends-tu? C'est comme, c'est une femme déjà comme... personne marginalisée, c'est une femme de minorité visible, marginalisée, c'est une femme minorité visible qui est comme un target de gouvernement encore, et elle est tuée comme par hasard, par la police morale, dans toutes ces choses que la police morale fait. Puis les femmes sont fatiguées, les peuples iraniens sont fatigués de tout ça. L'économie va dans la mauvaise direction, la politique va dans la mauvaise direction. Il y a des gens qui volent l'argent gauche à droite dans le régime iranien. Et il n'y a rien de précaution qui arrive à ces gens-là. Et ça, tout ça, ça, c'est une accumulation de 40 ans de répression. De répression, c'est ça. Merci pour compléter ma phrase. Un truc qui est important, je pense, avec le meurtre de Mademoiselle Amini, c'est qu'au début, il a été, le gouvernement a émis une série de mensonges à propos des conditions de son décès. Parce qu'elle a été en auto, la police morale l'a arrêtée pour une raison arbitraire. Ça, ils l'ont enlevé à sa famille. Puis là, quand sa famille l'ont retrouvée, était dans le coma à l'hôpital. Puis là, les communications gouvernementales, c'était « Ah, ben elle avait des problèmes de santé, elle n'était pas bien. » Oui, c'est toujours là. Le gouvernement dit que Mahsa est morte d'arrêt cardiaque. Tandis que c'était un coma, comme elle était en coma, puis elle avait comme du sang dans le cerveau. Comme ouais, des hémorragies cérébrales. Oui, des hémorragies cérébrales, exactement. Alors oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement iranien essaie toujours de comme menacer les familles de personnes qui meurent pour que la famille ne part pas avec les médias ou comme avec des gens. Mais cette fois-ci, le père de Mahsa Amini, il voulait rien savoir de ça. Il disait qu'on avoue Mahsa, puis elle avait des blessures, des signes de blessures partout sur son corps. Puis il a dénié tous les mensonges que le gouvernement a dit par rapport au fait que cette personne avait comme une opération, etc., etc., puis c'est pour cette opération-là. Ce qui fait aucun sens, parce que c'est une fille de 22 ans, en santé, puis comme elle était en santé, puis quelques heures après, elle est tombée dans le coma dans l'hôpital. Oui, c'est ce qui m'amène à parler d'une des raisons pourquoi je t'ai invité ici, c'est que ça aurait été quelque chose qui aurait passé sous silence si ça n'avait pas été justement des réseaux sociaux. Oui, absolument. Et de l'Internet, puis la dissémination de ce type d'informations-là. Parce que c'est quand même relativement nouveau, toutes ces choses-là, toutes les manifestations qu'il y a eu avant. Les gens utilisaient les réseaux sociaux, mais ce n'était pas aussi imbriqué dans la société que ça l'est maintenant. Puis là, il y a des choses qui sont arrivées avec justement la mort de Mahsa Amini. Mahsa Amini, oui. Que ça s'est ramassé. Il y a eu de l'information qui s'est ramassée sur, je pense, Instagram. Oui, oui. Instagram, c'est un des seuls médias sociaux qui est ouvert en Iran. Les autres médias sociaux ont été censurés après le mouvement de 2000, après le mouvement vert en Iran, après 2009, parce que les Iraniens ont utilisé Twitter puis YouTube pour partager la violence de police envers les manifestants en 2009. Fait que ça a été tout censuré. Tout ce qui restait, c'était Instagram, oui. C'est quand même drôle que c'est juste Instagram. Y a-t-il une raison pour ça ou... C'est juste que je ne peux pas expliquer pourquoi, mais le régime voulait fermer tous les réseaux sociaux, sauf que ils n'avaient pas une autre alternative. Ils ont essayé de créer des alternatives, mais ce n'était pas populaire, les alternatives. Et donc, ils ont gardé Instagram, mais il y avait beaucoup de personnes dans le régime qui voulaient même bloquer l'Instagram aussi. Fait que c'était dans la procédure, une des choses qu'ils voulaient faire, c'était de bloquer Instagram aussi. Oui, c'est ça, parce que les gouvernements comme ça, on l'a vu plusieurs fois au courant des 15 dernières années, quand il y a de quoi qui se passe, un mouvement révolutionnaire, l'Internet est fermé. Oui. Là, ils ont essayé de faire la même chose? Oui, oui, ils essayaient de faire la même chose toujours. Il faut expliquer quelque chose des Iraniens en un cellulaire. Et la majorité d'utilisation de l'Internet est par le cellulaire. Et donc, ce qui arrive est que par le régime, durant, je pense que c'était en 2019, il y avait les manifestations après l'annonce d'augmentation de prix de pétrole. Ça, c'était la première fois qu'on voyait un bloc total de l'Internet partout dans le pays. Puis, dès qu'on voyait ça, on savait, comme les gens qui sont en informatique, ils disaient que c'est impossible de juste... fermer l'Internet n'est pas un switch. C'est pas comme un switch que tu dis, OK, on tourne ça, comme fermé, puis ça ferme l'Internet. Il y a un besoin d'organisation énorme. Fait que le régime iranien a préparé pour ça pendant longtemps, puis dès que ça arrivait, ils ont coupé l'Internet parce que l'Internet est le moyen de communication entre les Iraniens et aussi avec le monde, avec le reste de cette planète où on habite. Et donc, c'est un moyen de contrôle et c'est un moyen de décourager les manifestations parce que les gens ne peuvent pas s'organiser ensemble pour sortir puis manifester, etc., etc. Et cette fois-ci, ce qui est arrivé est que l'Internet a été coupé dans des régions précises ou parmi les cellulaires seulement, pas à l'Internet comme connecté au mur. Et donc, le régime a compris que même si on ne peut pas couper l'Internet complètement, on peut régionaliser ça, ce coupage d'Internet-là. Puis ça, c'est toujours comme ça. L'Internet est bloqué pendant certaines heures, surtout durant la période de manifestation, ce qui est dans la nuit normalement. Ils coupent l'Internet, oui. Parce que tu régionalises ça, tu as des zones d'ombre, fait que les gens ne peuvent pas comme s'organiser ou savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le pays. C'est comme plus difficile d'avoir des actions concertées de masse. Absolument, absolument. Et l'autre chose est que le régime fait avec l'Internet, ce n'est pas... ça ne bénéficie pas l'économie du pays parce que l'économie du pays dépend partiellement à l'Internet. Ça dépend à l'Internet pourquoi? Parce qu'il y a des applications parallèles de, par exemple, Uber Eats ou de iTunes ou de ça. Il y a une énorme infrastructure de des applications qui existent en Iran et il y a une économie. Et donc, ça endommage l'économie. Mais le gouvernement est capable de juste faire ça et de perdre l'argent et d'endommager l'économie juste pour arrêter les gens de manifester, juste pour arrêter les paroles des gens. Oui, il y a comme un prix à payer qui serait prêt à payer pour conserver leur pouvoir. Oui, exactement. Ils payent cher pour conserver leur pouvoir, mais ils vont essayer de n'importe quelle façon de conserver leur pouvoir. C'est ça le problème. C'est ça la violence vient du fait qu'ils vont pas arrêter. Ils vont continuer, puis ils vont perdre plein de choses, mais ils vont continuer. Une des affaires intéressantes avec ce qui se passe, c'est que les gens sont quand même organisés à travers les réseaux sociaux. Mm-hmm. J'ai entendu parler qu'ils sont organisés à travers des hashtags. Oui, oui. Mais parce que si tu veux trouver des nouvelles de ce qui se passe en Iran, la meilleure façon est de suivre le hashtag. Puis chaque hashtag va t'amener vers comme certaines informations. Comme hashtag Mahsa Amini, c'est le hashtag le plus commun pour montrer les vidéos des manifestations pour chaque jour. Et les manifestations continuent même aujourd'hui, hein, comme ça n'a pas arrêté depuis, je pense, 22-23 septembre. Et donc, oui, c'est une façon de s'informer de ce qui se passe partout dans le pays et on voit les vidéos de partout, des villes que je ne connaissais pas le nom, comme je disais à Edouard, comme il y a des noms de villes que je ne connaissais pas, puis mais comme les gens manifestent là-bas. Ouais, c'est ça ce qui est surprenant, que ça démontre que c'est quelque chose qui est généralisé dans tout le pays. Tu sais. Absolument. C'est comme s'il y avait c'est comme si au Québec, il y avait des manifestations à Fermont. Hein, Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ou comme une petite ville dans la région qu'on ne connaît pas peut-être. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu sais si c'est juste à travers Instagram que ça s'est passé, ces choses-là, ou il y a d'autres... Twitter est encore bloqué? OK. Écoute, juste parce que des choses sont bloquées, ça ne veut pas dire qu'ils sont bloqués. OK. C'est les Iraniens ont essayé plusieurs de VPN. Fait comme ils ont accès. Puis ça, c'est une population jeune, très éduquée, qui savent comment utiliser l'Internet. Et non seulement savent comment utiliser l'Internet, mais aussi comment organiser et comment rapporter, comme faire le rapportage de ce qui se passe. Par exemple, dans le mouvement en 2009, on voyait les gens juste filmer n'importe qui, n'importe quand et tout. Maintenant, tout le film qui sort, on voit seulement la tête des gens de l'arrière parce qu'on ne veut pas que les gens soient identifiés, les gens qui sont dans la manifestation soient identifiés. Et donc, on doit faire d'autres choses. Mais aussi, les reportages viennent avec la date, avec le lieu, avec le temps, avec tous les détails de qu'est-ce qui se passe, tous les slogans qui ont été chantés. Fait comme ça, c'est une éducation qui est arrivée depuis 2009, de plusieurs manifestations, puis de plusieurs manières de represser les manifestations, où on voit comme cette génération, cette nouvelle génération, les générations qui sont nées en 2000, au début de 2000, qui, qui font la manifestation, mais qui sont vraiment éduqués de comment faire le reportage de leur manifestation. Oui, c'est ça. Il y a un journaliste citoyen qui est en train de s'opérer et qui est rendu sophistiqué parce qu'ils savent qu'est-ce qui est pas bon pour leur manifestation. Exactement. Fait qu'ils peuvent moduler leur message à travers ou juste comme l'information qui passe, puis se protéger entre eux-mêmes aussi. Oui, puis aussi, des fois, ils modulent la voix de la personne aussi. Fait comme ils descendent la voix de la personne pour que ça soit plus basse, etc., etc. Tu l'as mentionné, c'est quand même, si je ne me trompe pas, en Iran, la population est quand même assez jeune. Oui. Très jeune, oui. Puis la manifestation de cette fois-ci, la manifestation est vraiment comme est l'idée par des femmes puis par des jeunes. Puis les gens qui sont morts sont des jeunes aussi. Comme Mahsa Amini avait 22 ans, mais il y a des filles, des garçons qui de 16 ans, 17 ans, 15 ans qui ont été tués par le régime. Comme durant cette manifestation, comme ça fait un mois que la manifestation a commencé. Puis ça n'arrête pas. Comme les gens sortent, même s'ils voient la violence, même s'ils voient qu'il y a toutes ces répressions-là, ils continuent. Ouais, on voit des fois juste des chiffres passer. C'est difficile de comme comprendre l'ampleur du drame quand c'est genre décontextualisé comme ça, mais on parle des fois de soixantaines de personnes qui sont assassinées par le gouvernement. Ça, c'était à Zahedan. Ça, c'était dans une journée. Oui. Ça, c'est les 60 personnes. C'était dans une journée à Zahedan. En fait, le contexte, c'était que la police, le chef de police de Zahedan a comme une personne comme dans la police israélienne, comme dans le niveau haut, a été accusée de viol d'une petite fille. Puis les gens à Zahedan sont allés aux prières de vendredi. Puis après ça, ils sont allés devant le poste de police. Le poste de police. Mais la police les attendait avec des soldats en haut, puis ils ont commencé à juste tirer sur les manifestations, puis ils ont tué soixantaine de personnes, ils ont tué des enfants. Il y a le reportage de comme dizaines, vingtaines des enfants qui ont été tués à ces journées-là, et plusieurs de blessures aussi. Mais le chiffre 60 personnes, ça vient de Zahedan. Le chiffre actuel en ce moment, la dernière chiffre que j'ai vu, c'était comme en haut de 250 personnes qui sont mortes. Et parmi de ça, trentaine de ces personnes sont juste enfants, fait en bas de l'âge, je pense. 14. Oui, c'est ça. 12. En bas de 12. Oui, ouais, c'est ça. Mais comme la majorité, l'âge moyen, on peut dire comme c'est comme 19. Mm-hmm. L'âge moyen de comme toutes ces 200 personnes qui sont mortes sont toutes jeunes. Ouais, ça. Est-ce que tu penses que la diffusion des images... Je veux pas qu'on rentre dans le sujet tout de suite de comme l'effet spectateur, mais est-ce qu'on le fait? On peut, oui. Mais on peut parler d'autres choses aussi, puis ensuite rentrer... Mais tu as déjà commencé. Oui, j'ai commencé. Parce que ce que tu dis, tu l'as mentionné tantôt, c'est les manifestations continuent toujours malgré les répressions violentes, mm-hmm. malgré les assassinats, les meurtres. Est-ce que le fait de filmer ces choses-là, ces manifestations-là, ça encourage les gens à continuer de manifester? Oui, parce que ça démontre à quel point la violence est partout et que ça doit être arrêté et qu'on veut le changement. Les Iraniens, ils ont dit assez est assez. Comme on a eu assez de cette répression de vous, le régime, pendant quarantaine d'années. Et à chaque fois qu'ils voient la violence, oui, ça touche le cœur, mais ça les encourage aussi d'aller manifester, etc., etc. Mais aussi, c'est le fait que maintenant, ce qu'on voit, c'est que les manifestations sont devenues plus créatives. Donc, à la place de manifester dans les lieux comme vraiment public, il y a des manifestations dans les lieux moins publics, dans les petites rues. Par exemple, moi, j'habite dans un... J'ai habité, quand j'étais à Téhéran, j'ai habité dans un complexe. C'est comme une cité... en France, vous avez... Une banlieue. Oui, une banlieue, comme une des cités. Nous, on a, il y a un complexe qui s'appelle Ekbatan. Ça a été construit par... l'architecte de premier shopping mall aux États-Unis, Victor Guren. Puis Victor Guren avait une vision pour le shopping mall de créer un lieu de un lieu public où les gens pouvaient habiter autour de ce lieu public. Fait que le shopping mall devait être un lieu public où les gens pouvaient comme... C'est central. Oui, c'est une centrale où on peut acheter comme tout le service, mais aussi on peut habiter autour. Aux États-Unis, les gens, grâce au capitalisme, on enlève... les structures pour comme vivre à côté des shopping malls. Mais Ekbatan a été créé avec un passage qui est un marché, puis le reste, c'est des gros bâtiments de 9, 12 étages, puis la population de 100 000 personnes. C'est énorme. Oui. OK? Fait que là, on voit des gens comme... qui manifestent à chaque soir à Ekbatan. Mais à Ekbatan, on voit aussi, à Ekbatan, puis ailleurs, on voit l'écriture sur les murs. Les murs à Téhéran aujourd'hui sont comme remplis par des slogans des manifestants. Ça, c'est récent. C'est récent, oui. Puis, comme les cannes de paint, là, comme ça, c'est partout, oui. J'imagine que, tu sais, en fait, j'ai de la misère un peu à saisir c'est quoi vivre dans un endroit comme ça où le slogan est rendu partout. Ça s'est passé à l'intérieur de comme quelques semaines. C'est une manière aussi de communiquer. Oui, c'est une manière de communiquer, puis c'est une manière de persister. Tu te souviens, j'ai parlé de persistance. C'est le fait de répétition. Comme juste parce qu'il n'y a pas une manifestation aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on a arrêté. Vous voyez, on est toujours contre vous. J'écris sur les murs pour démontrer qu'on continue, on persiste. Le graffiti comme forme de résistance. Oui, c'est une forme de résistance, c'est une forme de persistance, c'est une forme de répétition. La répétition est importante. Et j'ai dit ça toujours avec les médias sociaux, en revenant sur les médias sociaux, une chose qui est importante, c'est la répétition puis la circulation. Tant que ça circule puis ça se répète, c'est une bonne chose pour continuer d'informer les gens à l'extérieur de l'Iran, mais aussi motiver les Iraniens que leur mouvement révolutionnaire n'est pas oublié par les gens à l'extérieur du pays. Est-ce que tu penses que l'acte de regarder des vidéos, ça peut aussi démotiver des gens de manifester? Parce qu'il y a l'effet spectateur, mm-hmm. Les gens vont regarder ça, ils vont avoir comme la catharsis de comme se sentir dans le mouvement, mm-hmm. sans nécessairement y participer concrètement. Honnêtement, je peux pas te dire parce que je suis pas un psychologue. Ça c'est quelque chose qu'un psychologue doit comme analyser comme la réponse d'une personne qui regarde plusieurs de vidéos comme. Est-ce qu'ils vont être encouragés ou découragés? Moi, je dirais que ça peut aller vers deux côtés, mais vu que comme il y a une énergie comme vraiment généralisée de partout du pays en ce moment, ça va vers comme plutôt motiver les gens pour sortir puis rejoindre aux manifestations à la place de rester à la maison. On va approcher la question d'un autre angle. Mm-hmm. Les Iraniens exilés ou ceux qui vivent à l'extérieur du pays, mm-hmm. quand ils voient ce genre de vidéos-là, est-ce que tu penses que ça les motive, eux autres, à manifester? Oui, absolument. C'est absolument. La manifestation à Toronto, il y a quelques semaines, il y avait 50 000 personnes à Toronto À Toronto, on ne voit pas des manifestations. Enfin, comme de voir 50 000 personnes dans la rue, ça te montre à quel point comme les Iraniens à l'extérieur et de l'Iran sont intéressés de faire quoi que ce soit qu'ils peuvent pour supporter les Iraniens à l'intérieur de l'Iran. Mais aussi, ce n'est pas juste les Iraniens. Quand je vais dans les manifestations, les gens viennent de partout du monde. Puis ils nous joignent parce qu'ils voient comme ils ont des amis iraniens, ils voient ce qui se passe en Iran, etc., etc. Puis ils veulent vraiment supporter les Iraniens. Fait qu'il faut pas juste dire c'est juste les Iraniens à l'extérieur, c'est les Iraniens avec leurs amis, avec leurs comme avec les gens qui supportent comme qui nous supportent. Puis c'est vraiment apprécié. Moi, je trouve que à ce point-là, ce qui est important est d'entendre de politiciens québécois. Il y a un silence, il y a un silence de radio en ce moment qui arrive avec des politiciens au Québec. François Legault n'a rien dit sur l'Iran. Manon Massé n'a rien dit sur l'Iran. Gabriel Nadeau-Dubois n'a rien dit sur l'Iran. Comme moi, je vote Québec solidaire. Au moins, je veux savoir si les gens à qui j'ai confiance pour me représenter dans le Parlement, au moins, je veux qu'ils disent quelque chose. Mais c'est ça. C'est un silence en ce moment. Seulement le maire de Montréal a envoyé un message de support. Mais ce qui me fait penser, j'avais une question que je gardais peut-être un peu pour la fin, mais je vais te le poser présentement, parce que c'est propice. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous, ici, on peut faire pour justement aider la communauté iranienne, montrer notre support? Venez aux manifestations. À chaque samedi, il y a une manifestation. À chaque samedi, il y a une manifestation. Et venez aux manifestations. Puis vous, comme, parce que l'autre chose avec manifestation, c'est qu'on va aux manifestations, mais on rencontre d'autres mondes. Puis l'autre monde va dire, oh, viens, on organise telle chose, on organise telle chose. Fait que c'est vraiment comme, à ce point-là, c'est vraiment organique. Il y a des organisateurs et organisatrices qui font un travail excellent pour organiser toutes ces manifestations. Mais mon message est que si vous voulez nous supporter, venez aux manifestations. On vous a besoin avec nombre. Et comment on fait pour savoir c'est où ces manifestations-là? On sait que c'est le samedi, mais... C'est le samedi. Il y a un Instagram qui s'appelle... Ben, je vais comme être sûr de dire le nom d'Instagram. C'est un organisme qui s'appelle MEDAD. M-E-D-A-D. Puis leur... ouais, c'est MTL underscore MEDAD, M-E-D-A-D. C'est un Instagram, c'est un compte d'Instagram, puis ils publient toujours les prochaines manifestations. Normalement, c'est soit le mercredi, soit le samedi, mais à chaque samedi, ils font une manifestation. Puis toi, tu y vas régulièrement? Oui. À chaque samedi, sauf ce samedi-là, je ne serai pas à Montréal. Fait que je vais le manquer, malheureusement. Oui, ça, parce que tu en parlais pendant l'émission « Les meilleurs parties se passent dans la cuisine », que ça prenait beaucoup de ton temps récemment, fait que tu n'avais pas le temps pour, je pense, cuisiner. Ou... Oui, c'est ça. C'est parce que c'est décourageant. C'est, OK, c'est, moi, ce que je peux dire honnêtement, c'est que c'est paralysant de voir des choses puis ne pas être capable d'être là. Je ne sais pas si j'étais là, j'aurais participé comme activement aux manifestations, mais j'aurais fait quelque chose. Parce que si tu es là, tu ne peux pas juste comme rentrer chez toi et rien faire. Tu dois te rejoindre à tes amis, à tes peuples, contre un régime fasciste qui a existé depuis comme 40 ans. Et donc, c'est ça. C'est comme, au début, c'était un sentiment de paralysie. D'être dans les manifestations, ce que ça fait, c'est que comme, je ne suis pas toute seule. Il y a d'autres personnes qui sont là et qui ont le même sentiment que j'ai. Je peux leur donner un câlin. Eux, ils peuvent me donner un câlin. Puis ça nous aide. Puis le fait d'être nombreux dans la rue encouragent les Iraniens en Iran à continuer aussi. Ça, c'est important. Ouais, et puis j'imagine que c'est difficile pour des personnes à l'extérieur de l'Iran de voir ce qui se passe, mais aussi de ne pas être capable de communiquer avec les familles et les amis qui sont là-bas. Oui. C'est comme c'est une manière de comme se rejoindre en société, comme avoir un support moral. Oui, absolument. Mais c'est que comme les Iraniens communiquent majoritairement par WhatsApp, l'application WhatsApp, avec les gens en Iran. Sauf que des fois, ça arrive que l'Internet est bloqué à cause de blocage d'Internet pour éviter les gens à communiquer ensemble. Mais aussi, des fois, le régime iranien bloque WhatsApp au complet, fait qu'il faut utiliser des VPN. Puis on voit comme ce qui se passe en ce moment, c'est de moins en moins les Iraniens ont accès aux VPN qui fonctionnent. Fait que le régime même essaie de bloquer le VPN. Oui, il y a comme un genre de contre-guerre. Oui, c'est ça. C'est une guerre numérique sur la rue, mais il y a une guerre numérique aussi. Absolument, absolument, oui. Oui, c'est ça. Parce que vu qu'ils ne peuvent pas bloquer l'Internet au complet, les gens vont utiliser les VPN, mais là, comme ils vont débusquer comme les signaux, j'imagine. Mais le régime utilise l'Internet beaucoup. Il utilise l'Internet puis les technologies beaucoup pour supresser les manifestations. Par exemple, une chose qu'il faisait, c'était d'avoir l'information des gens qui commandaient la nourriture par une application qui est une application parallèle de Uber Eats. Puis ils sont allés arrêter les gens dans leur maison parce que ces gens-là ont commandé du pizza, puis leur information était dans le database de ces compagnies-là, cette application-là. Et donc, comme là, ce qui arrive est que comme on pensait qu'on travaille avec une compagnie privée qui n'a aucun lien avec le régime, mais le régime comme peuvent avoir accès à des informations privées pour arrêter les gens dans leur maison. Oui, c'est ça. Je voulais en parler un peu plus tôt dans l'entrevue, mais les applications comme Uber Eats, WhatsApp, etc., c'est toutes des applications qui viennent de l'Occident, de l'extérieur de l'Iran, américaines ou peu importe. On s'imagine qu'il n'y a pas de collusion entre eux et le gouvernement, mais c'est faux. Non. C'est que comme à cause des sanctions, aucune de compagnie occidentales, comme Google, etc., etc., peuvent travailler en Iran. OK? Donc, ils ne peuvent rien faire. Les applications là-bas ne fonctionnent pas. Et donc, l'Iran a développé son propre industrie avec ses propres applications qui sont comme des applications parallèles. Par exemple, on a YouTube ici, on a Operot en Iran. On a comme Amazon ici, on a ça en Iran. J'ai oublié le nom. Et voilà. Donc, c'est des applications, c'est une industrie qui est née il y a comme 10 ans. Puis c'est une nouvelle industrie, puis c'est partiellement comme supporté par l'argent de garde révolutionnaire aussi. Donc, les gardes révolutionnaires ont une main dans cette industrie aussi. Ce qui fait la boucle de ce que tu disais au début, c'est ça. La garde révolutionnaire a une main dans l'économie iranienne, donc les applications qu'on pourrait s'imaginer comme privées ne le sont pas, donc les informations ne sont pas privées. Toujours, non. Wow. Ouais, c'est ça. Et donc, ça crée un espace de comme panopticon, un espace de panoptique, oui, comme de Foucault. M'en parle philosophie. C'est comme, à quel point est-ce que je peux croire à l'application que j'utilise? Et comme, est-ce que je peux comme avoir confiance sur comme des affaires que je fais à chaque jour? Ouais, c'est ça. J'ai fait deux épisodes sur justement ce que j'appelle le nouveau panoptique, l'été de 2021. Justement, l'effet du panoptique, c'est que vu que tu te sens comme potentiellement tout le temps observé, ben tu changes tes comportements pour être justement dans le cadre qui t'est offert par la société. Oui, Oui, oui, oui. Puis par le biais de design des applications aussi, comment tu agis puis interagis, le design des applications fait en sorte que comme tu interagis de certaines manières. Ce qui fait un peu de panopticon aussi, c'est comme, oui, c'est le design, mais comme c'est les interactions, comme comment est-ce que l'autre personne interagit puis je dois faire la même chose, comme, oui. C'est un sujet complet pour une autre émission. Oui, c'est ça. Ça. Exactement. J'aimerais juste finir l'entrevue en parlant de la production culturelle. Mm-hmm. Puis qu'est-ce que ça fait dans la conscientisation. Mm-hmm. Je sais que j'ai écouté l'émission, je le mentionne encore, « Les meilleurs parties se passent dans la cuisine ». Quelle bonne émission. je vais avoir un lien d'ailleurs pour l'émission que tu es allé parler du rap, d'ailleurs. Oui. Tu as mentionné Barai Azadi. Barai Azadi. Oui. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit résumé de ça? Parce que C'est l'anthème de mouvement révolutionnaire de 2022 en Iran en ce moment. Cette tune a été chantée par un chanteur pop qui est allé sur une émission comme La Voix, comme parallèle de l'émission de La Voix. Puis il a été pas voté par les spectateurs, mais il a continué ses travaux et tout ça. Puis il a continué de faire le travail sur comme sa musique, comme chanteur pop. Puis durant le mouvement de 2022, comme qui a commencé il y a un mois, il a pris des hashtags. Okay, fait qu'il y avait un hashtag qui s'appelait Baraye. Baraye, ça veut dire parce que ou comme pour. Puis il y avait un hashtag Baraye qui a commencé parmi les Iraniens. Puis chaque personne écrivait pourquoi ils sont dans la rue. Puis il disait parce que ça, parce que pour embrasser dehors, pour embrasser mon amante dehors, traduire comme deux fois. il a créé cette chanson avec les phrases qui a été tagué avec Baraye, avec le hashtag Baraye. Et ça est devenu l'anthème de ce mouvement-là parce que ça était tellement honnête. C'était une forme de crowdsourcing. Fait comme ton parole n'est pas ton parole, c'est les paroles de la foule qui a été comme ramassée puis mettre ensemble dans une chanson qui est comme qui est super beau en fait, puis qui touche le cœur, mais c'est l'honnêteté de cette chanson qui touche le cœur le plus. Ouais, c'est ça, parce que c'est essentiellement littéralement les mots du peuple qui sont comme représentés à travers cette pièce-là. Exactement, ouais. Exactement. Et on va terminer l'entrevue avec une prestation que tu m'as faite en studio, live, mm-hmm. d'un morceau que tu as écrit toi-même. Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est... comment je peux expliquer? OK. John Coltrane a écrit un morceau qui s'appelait Alabama. Alabama, c'est un morceau écrit après après les actes terroristes de KKK au Alabama, qui ont mis une bombe dans une église, puis je pense que trois enfants ou quatre enfants sont morts durant cet événement-là. Puis, comme quelques mois d'après, on voit la sortie d'une chanson par John Coltrane qui s'appelait Alabama. Puis dans cette chanson, on entend vraiment comme la tristesse de John Coltrane avec comme cette merveilleuse voix de sax qu'il a étude. Et donc, moi, quand les événements de ces mouvements sont commencés, je ne pouvais rien faire. J'étais paralysé. Tout ce que je pouvais faire était de juste regarder le footage comme sur Instagram, sur les chaînes de nouvelles, et de juste comme être triste. C'était une tristesse profonde. Et donc, comme j'ai comme pris cette idée de John Coltrane d'avoir une mélodie qui ressemble un peu comme le travail de Coltrane, mais pas aussi beau. Et ça a été en fait un peu mélangé finalement, inconsciemment, avec une chanson qui s'appelle « Irelook ». « Irelook », c'est une chanson azéri c'est l'histoire d'un amant qui attend son amante d'arriver. Puis il dit comme... « Irelook », c'est de la distance. Comme c'est la tristesse de distance. Puis moi, je suis loin de l'Iran. Et donc, je sais pas qu'inconsciemment, ça faisait en sorte que comme ces deux comme thématiques sont rencontrées ensemble dans ma tête. Puis j'ai enregistré ça, puis j'ai mis ça sur mon Instagram. Parce que ce qui s'est passé était que normalement, mon Instagram, c'est pour des photos de rue. Puis je pouvais plus faire de photos de rue jusqu'à ce que comme... il y a quelque chose comme jusqu'à ce que ce mouvement comme se termine, ou comme quelque chose comme j'étais plus capable de faire des photos de rue. J'ai mis une photo noire puis expliqué pourquoi j'arrête pour l'instant, puis ensuite j'ai mis la vidéo de moi jouer le saxophone. Et aujourd'hui, j'ai amené mon saxophone parce que tu m'as demandé de t'envoyer les pièces, puis j'étais comme ben en fait je peux amener le saxophone, puis je peux l'enregistrer ici avec de bons micros et tout ça. Ouais, c'est un beau morceau, je trouve. Merci. Très, très ressenti. Puis merci. Dans sa composition, on sent la douleur puis les cassures. Mm-hmm. J'ai une chair de poule juste à y penser. Je te remercie beaucoup de l'avoir joué pour moi. On va l'écouter très bientôt. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi, puis d'être sur cette émission incroyable. Et ça fait plaisir, Siavash. Merci. Thank you.